seulement tu pouvais être là après mes concerts, me prendre dans tes bras et me dire que tu es fier. Si seulement tu pouvais exister rien qu'une nuit, je trouverais le courage de continuer. Si seulement je ne dormais pas tout seul après mes concerts, si j'avais une fille pour réchauffer mon cœur de pierre, si seulement je ne faisais pas l'amour que dans mes rêves, je trouverais le courage de continuer. Si seulement tu savais combien d'amour je peux donner, combien je souffre de voir mon cœur se dessécher. Si seulement tu voulais bien de moi cette nuit, je trouverais le courage de continuer. Je trouverai le courage de continuer. Je trouverai le courage de continuer.